Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le 19e siècle, siècle du secret. Au milieu du 19e siècle, justement, Alexandre Andriane, fort proche des Carbonari, rapporte les paroles de Buonarroti, révolutionnaire français, mais proche de l'Italie, lui. Les hommes ont besoin, pour former une association politique efficace et permanente, d'être liés entre eux par des signes, des mystères qui flattent leur amour propre et donnent à la société dont ils font partie un air d'importance et de consistance que toute la moralité et l'estime réciproque des individus ne sauraient obtenir. Quels sont ces signes? Quels sont ces hommes? Plongeons dans les sociétés secrètes du 19e siècle. Jean-Noël Tardy, bonjour. Bonjour. Le 19e siècle, siècle du secret. Vous validez comme expression? Ah, complètement, effectivement. On a souvent une image du 19e siècle comme un siècle de montée en puissance du libéralisme parlementaire, de la transparence et de la liberté de la presse. En fait, c'est un effet rétrospectif. Le 19e siècle est parcouru de conflits extrêmement importants. C'est le siècle aussi de la mémoire de la Révolution française et c'est un siècle qui est passionné par les groupuscules clandestins, c'est un siècle où la politique se construit et elle se construit aussi dans ces groupes qui ont été délégitimés par la suite mais qui ont une importance considérable durant ce siècle très agité. Avec un héritage évident, celui du 18e siècle, le siècle des Lumières, avec des sociétés secrètes demeurées célèbres, les francs-maçons, les Illuminés, nous avons consacré dans le cours de l'histoire des émissions à ces sociétés secrètes à réécouter sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Ces gens du 19e siècle, la chronologie est longue, toujours une existence, ce n'est pas qu'un petit moment de l'histoire, sont héritiers de tout cela. Ce fonctionnement est connu, il y a les salons, il y a une sociabilité. Oui, tout à fait. Les sociétés secrètes du 19e siècle sont les héritières des sociabilités du 18e. Elles le sont parce qu'elles sont à la recherche de modèles pour construire leurs propres organisations. Et la franc-maçonnerie est un véritable creuset, finalement, pour la construction des nouvelles formes d'organisation politique. Il y a aussi un mythe, une reconstruction du 18e siècle par le 19e siècle. Et il est frappant de voir que des écrits que l'on juge complètement polémiques maintenant, comme les écrits de Barruel, dont il était largement question dans les émissions précédentes, étaient lus au pied de la lettre, y compris par des admirateurs des Lumières, par des admirateurs de la Révolution française, qui se disaient que peut-être Barruel n'avait pas entièrement tort, peut-être les groupuscules secrets peuvent jouer un rôle et changer l'histoire. Voilà, Barruel qui voit des complots à peu près partout, mais en fait qui tire des fils, et c'est passionnant d'ailleurs à lire, une construction intellectuelle qui repose sur quelque chose avec des conclusions très contestables. Jean-Yves Frétinier, bonjour. Bonjour. Dans cette réflexion sur les sociétés secrètes au 19e siècle, nous avons le cocktail détonnant qui est un moment où les idées libérales, au sens de liberté, peuvent se développer, mais malgré tout, il y a des pouvoirs autoritaires. C'est ce mélange des deux, en fait, qui permet aux secrets de se développer. Oui, j'irai dans le sens de mon collègue, peut-être en nuançant un tout petit peu. C'est vrai que ça reste le siècle du secret, des sociétés secrètes. Je souscris à tout ce qui a été dit. J'ajouterais même que la littérature s'empare du thème des sectes, en particulier en plaçant des sectes très maléfiques en Espagne. Il y a toute une littérature qui se développe, Balzac par exemple, et puis ou Dumas et d'autres auteurs moins connus. Mais il y a aussi, pour répondre à votre question, ce 19e aussi, c'est la tentative de faire une autre forme d'action politique. Je prendrai un seul exemple, qu'il soit français ou italien, c'est mettre par exemple l'accent sur le suffrage universel. Alors essentiellement masculin à l'époque, même s'il y a quelques précurseurs qui le veulent vraiment universel. Et évidemment, mettre l'accent sur le suffrage universel, c'est forcément mettre l'accent sur une forme de prosélytisme qui ne peut pas se faire par des, ou qui ne peut pas au moins uniquement se faire par des canaux secrets. Donc je crois qu'il y a, c'est un siècle, c'est pas pour nuancer, mais de tension finalement entre une logique sectaire dans le sens d'une secte politique et une logique qui, comment dirais-je, va plus vers la diffusion ouverte, la discussion publique. Et en ce sens, pour conclure, c'est bien l'héritage du 18e dans les deux sens du terme, c'est-à-dire dans une sorte de sociabilité qui est une sociabilité de salon, une sociabilité fermée, dont la franc-maçonnerie est la grande matrice, mais d'un autre côté, c'est aussi les Lumières, apprends à penser par toi-même, la diffusion de l'esprit des Lumières. C'est cette double chose. Jean-Noël Tardy, c'est pertinent cette idée, en fait, que pour saisir les sociétés secrètes au 19e siècle, il n'est pas possible de se contenter de l'idée que certains n'ont pas les mêmes idées que d'autres et veulent développer dans le secret. C'est une appréhension complète de la question qu'il faut avoir, politique, sociale, ça ne se limite pas juste à un petit fil lié à un micro-groupe de personnes qui réfléchissent dans son coin. Non, tout à fait, c'est un phénomène très vaste, au-delà du groupe sectaire, au-delà du groupe de la société secrète, il y a toute une insertion dans un milieu social, et très souvent la société secrète n'est que la pointe extrême de mouvements souterrains plus profonds. Je reviens rapidement sur ce qu'a dit mon collègue, qui est parfaitement exact. Ce qui est frappant aussi de constater pour le 19e siècle, c'est que c'est effectivement un siècle de tension et de transition. Et certes, on pourrait dire que les sociétés secrètes sont nées des régimes répressifs, sont nées de l'impossibilité de s'exprimer, d'utiliser la liberté d'expression, la liberté de la presse. En fait, c'est toujours un peu plus complexe que cela. C'est-à-dire que les sociétés secrètes, lorsqu'on regarde notamment le phénomène des Carbonari en France, utilisent des franges de liberté qui sont autorisées parce que les régimes monarchistes qui reprennent le pouvoir au début du 19e siècle ne veulent pas rompre complètement avec l'héritage de la Révolution française. Et ils utilisent ces structures modernes, sociétés de pensée, héritées des Lumières, ou alors premiers journaux, et ils les redoublent en général de réseaux occultes, ce qui leur permet d'atteindre plus facilement certains objectifs politiques. Donc il n'y a pas forcément une opposition complète entre démocratie, transparence et secret. Les deux sont en fait extrêmement intriqués l'un avec l'autre. Oui, dans une société totalitaire, le secret est très difficile à mettre en place. L'idée est très difficile à diffuser parce que tout est contrôlé. C'est vrai que Jean-Noël Tardy, vous avez raison, c'est qu'il faut un peu de liberté pour permettre le secret. Cette histoire du 19e siècle, siècle du secret, nous conduit, pour commencer l'aventure, en forêt. Notre charbonnier habite une hutte, aussi simple que sa meule. Elle est faite de branches et de vieilles toiles. Mais s'il y dort bien, il doit aussi se lever pour aller surveiller sa meule quand le feu couvra. Mais maintenant commence le délicat de l'opération. Eh oui, c'est un travail délicat. Les cordes de bois sont là, mais encore faut-il les disposer afin qu'elles se consument lentement ensuite. Des couches successives de bois, comme les âges d'un arbre. Après, il faudra découper de grosses mottes de terre, de tourbe, des paquets de bruyère qui recouvriront le tout. Et puis, la meule éteinte, il en fera une autre, toujours, pourquoi pas, de l'enfance à la mort. C'est que ce qu'il connaît, c'est la solitude, pas triste, non, mais souvent dure, pénible. Et pourtant, c'est son métier, mais oui, il a une conscience professionnelle qui consiste à livrer de bonnes marchandises. Notre charbonnier est un homme curieux, certes, mais ce solitaire de la forêt est heureux. Pour Job, charbonnier et maître chez soi n'est pas un proverbe, c'est l'expression même de sa liberté. Présentation d'un charbonnier, donc quelqu'un qui fait du charbon de bois dans une forêt. Cette forêt, c'est la forêt de Kénécan, on se trouve en Bretagne, nous étions en 1964, Jean-Noël Tardy. Mais pourquoi débuter dans une forêt avec un charbonnier, cette histoire du 19e siècle, siècle du secret? Ah, c'est vrai que c'est assez paradoxal. On a vu que les sociétés secrètes du XIXe siècle empruntaient leur matrice dans celle du XVIIIe, et notamment que la maçonnerie était un modèle, un creuset possible. Mais la maçonnerie se méfie de la politique, finalement. En tout cas en France, loin d'être une institution qui veut renverser l'ordre établi ou qui veut changer les formes du gouvernement, la maçonnerie est très prudente. Et donc, une partie des hommes politiques acquis aux idéaux des Lumières, francs-maçons par ailleurs, auraient aimé que la maçonnerie devienne cette société secrète beaucoup plus révolutionnaire. Mais elle ne répond absolument pas à leur attente. Et de là, l'idée de trouver d'autres formes d'organisation et de regarder un peu ailleurs dans les modèles de sociabilité secrète au XVIIIe siècle. Or, on a la franc-maçonnerie issue théoriquement donc de la sociabilité des métiers de la pierre, mais il y a un autre groupe beaucoup moins connu, géographiquement beaucoup plus localisée, une autre sociabilité secrète qui, elle, viendrait des métiers du bois. Et c'est cette fameuse charbonnerie forestière qui va servir de modèle pour les associations politiques du début du XIXe siècle. Dans les Vosges, le Jura, c'est cette Franche-Comté. La Franche-Comté, hein, c'est toute cette partie-là. C'est intéressant de se dire que ces charbonniers, un peu en parallèle avec les maçons, et là je parle vraiment de ceux qui travaillent soit la pierre, soit qui fabriquent le charbon de bois, sont structurés. En quoi ils fascinent, en quoi ils semblent intéressants, et surtout en quoi ils sont liés au secret? Alors, à l'origine, cette charbonnerie du bois, en quelque sorte, cette charbonnerie forestière, c'est une confrérie assez typique de l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'on a un grand historien, Maurice Agulon, qui avait analysé la montée et le déclin des confréries au XVIIIe siècle et le remplacement, entre guillemets, par la maçonnerie. Eh bien, à l'origine, cette charbonnerie forestière, c'est une confrérie associée à un groupe professionnel. Donc, ces hommes qui fabriquent ce charbon de bois. À partir du XVIIIe siècle, on s'aperçoit que cette forme de sociabilité commence à fasciner les élites urbaines des villes autour de ces forêts en Franche-Comté. Et comme il y a cette montée de la maçonnerie, certains se disent peut-être y a-t-il un ésotérisme particulier, un savoir secret issu de cette tradition des hommes qui travaillent dans la forêt. Et on pense, mais l'histoire n'est pas forcément extrêmement claire sur ce point, on pense donc qu'il y a, en quelque sorte, la montée d'une maçonnerie concurrente, appuyée sur des rituels issus de cette tradition-là, qui se développe à ce moment-là dans ces régions. Et comme ces villes sont aussi des villes de garnison, ce modèle de sociabilité secrète se répand, y compris dans l'armée et chez les militaires qui stationnent dans ces villes. Jean-Yves Frétinier, vous êtes maître de conférence à l'université Rouen-Normandie. Et quand vous entendez cette présentation de la charbonnerie qui nous conduit en Franche-Comté, donc du côté français, vous êtes spécialiste de l'Italie, hein, l'histoire de la Sicile, des origines à nos jours notamment, et puis des biographies, Mazzini, Gramsci. Dans cette histoire, pourquoi peut-on parler d'une histoire internationale de la charbonnerie? Parce que ces charbonniers français, nous les retrouvons en Italie, ce sont les carbonari. Tout à fait, les carbonari, charbonniers. Alors, précisément, mon collègue a indiqué une des lignes. Longtemps, il y a eu trois grandes hypothèses sur l'origine de la charbonnerie italienne, dont deux, finalement, sont minoritaires, je l'ai dit quand même par souci d'exhaustivité. L'une qui serait créée par des agents anglais dans le royaume de Naples, bon... Une autre qui dériverait de sociétés secrètes déjà italiennes dans l'Italie du Nord. Et l'hypothèse qui, encore aujourd'hui, même si c'est une hypothèse assez ancienne, on a parlé de Maurice Agulon, ça serait plutôt Jacques Gottschau qui avait travaillé sur ça, c'est celle d'une origine française, et précisément par le biais des militaires, qui auraient été touchés, donc d'abord ces charbonniers, les casernes, et puis ces militaires qui auraient formé la grande armée de Napoléon. Donc on peut à peu près, non pas donner une date précise, mais un ensemble, c'est-à-dire au moment où il y a cette grande armée de Napoléon, dont il ne faut pas oublier que cette grande armée de Napoléon, elle comprend des Polonais, beaucoup, et beaucoup, ce qu'on va appeler entre guillemets, parce qu'il n'existe pas encore, des Italiens. Avec, en plus, un personnage, Pierre-Joseph Briot, hein, qui est né en 1772, qui lui est aussi charbonnier et qui va jouer un rôle important politiquement auprès du consulat puis de l'Empire et qui est clairement, je dirais, en faveur des patriotes italiens. Appelons ça, par commodité, prenons un mot assez vaste, assez large dans son acception. Et donc, il y a sans doute une matrice française à la charbonnerie italienne. Après, la charbonnerie italienne va se développer en partie en réaction contre les déceptions que suscite l'Empire, puisqu'on attendait beaucoup plus de Napoléon. De Bonaparte d'abord et ensuite de Napoléon. Napoléon, empereur des Français et roi d'Italie. Et roi d'Italie. Faut le rappeler aussi parce que Jean-Noël Tardy, là nous avons une origine commune mais des voix différentes qui apparaissent avec ces charbonniers, si on prend le terme français. D'ailleurs, ces charbonniers ne peuvent être compris que dans le contexte. Les charbonniers sous l'Empire existent. Que veulent-ils ? Les charbonniers après l'Empire existent toujours. Veulent-ils toujours la même chose ? Oui, alors c'est effectivement assez complexe et les voies divergent vite. Comme je l'ai dit, la charbonnerie forestière, c'est juste à l'origine un réservoir de forme, une forme d'organisation. On y met après ce que l'on veut politiquement à l'intérieur de cette organisation. Donc les Italiens et notamment les Napolitains vont se saisir de cette forme d'organisation, l'adapter évidemment au contexte local. Après, il y a des formes dans les rituels d'origine qui les séduisent particulièrement. L'importance de la figure du Christ, puisque comme c'était une confrérie à l'origine, la dimension religieuse était importante. Ce qui explique en partie le succès populaire de la charbonnerie à Naples. Du côté français, la charbonnerie forestière n'est pas politique durant l'Empire. Ce n'est qu'à la chute de l'Empire que là, on va avoir un phénomène de transfert assez étonnant. C'est-à-dire que là, on est sous la Restauration. L'ancien régime menace. Il n'est pas restauré, mais dans l'esprit des Français, il y a un véritable risque. Après 1820, il y a une réaction politique en France, assez brutale, après l'assassinat de l'héritier du trône, le duc de Berry. Et en Italie, commence donc une série d'insurrections, notamment à Naples, à l'imitation d'un coup d'État qui avait déjà eu lieu en Espagne. Vous voyez que tout ça est très, très intriqué et que les mouvements révolutionnaires européens depuis l'Empire s'observent, se regardent et qu'il y a parfois des contacts. Pas forcément des contacts extrêmement étroits, mais tout ce monde-là s'observe. Et à Naples, on réentend parler des Carbonari. Et là, cette fois-ci, il y a une invention politique de la charbonnerie qui était restée finalement extrêmement discrète en France. Et là, tout d'un coup, ce mouvement, ce nom apparaît associé à la révolution politique, au libéralisme. Grand écho en France, où la tension politique est extrêmement tendue. Effet de fascination, on a des opposants politiques à la monarchie qui se rendent dans le royaume de Naples en espérant participer à la révolution. La révolution est réprimée par les Autrichiens et puis le roi de Naples reprend la maîtrise de la situation. Mais les statuts de la charbonnerie circulent à nouveau et sont réintroduits depuis l'Italie vers la France. Et comme l'opposition politique française cherche à son tour une forme d'organisation secrète, eh bien le carbonarisme est là, tout près. Elle est toute trouvée, cette organisation, ils sont nombreux combien ? On ne sait pas, c'est toujours le problème avec ces sociétés secrètes. En tout cas, nous savons qu'à La Rochelle, ils étaient quatre. Berton et Delon partent avec un délégué de la vente suprême qui s'appelle Flotard pour La Rochelle, car leur nouvel espoir, c'est La Rochelle, parce qu'à La Rochelle, il y a maintenant le 45e de ligne. À La Rochelle, il y a 700 hommes d'infanterie coloniale dont le commandant, et fait partie de la charbonnerie. Et puis il y a les galériens qu'on va libérer, et puis il y a les bourgeois qui sont en grande partie carbonari. Alors maintenant, la perspective, c'est de soulever La Rochelle. Alain Decaux raconte les quatre sergents de La Rochelle, c'était en 1974. Les quatre sergents de La Rochelle, ce sont quatre comploteurs, on va dire, auxquels l'historien Jacques-Olivier Boudon a consacré un ouvrage, hein, les quatre sergents de La Rochelle. Jean-Noël Tardy, nous sommes sous la Restauration, donc Napoléon est encore en vie en 1820, il est sur son île là-bas à Sainte-Hélène. Et en France, eh bien, il y a un mouvement qui se structure pour s'opposer au roi Louis XVIII, à la Restauration. Et donc, la charbonnerie, c'est pratique. Est-ce plutôt une étiquette ? On est charbonnier plutôt qu'une réelle société secrète, efficace, organisée, qui se structure ? Alors, Il y aurait beaucoup de choses à dire. La charbonnerie, effectivement, c'est un mode d'emploi. Effectivement, c'est la possibilité de se structurer de manière centralisée et à l'échelle d'un pays. C'est cela le projet des conspirateurs au départ. Les rites aussi, un autre avantage, c'est que lorsque vous êtes une société qui est ritualisée, eh bien, vous pouvez éviter certains sujets qui fâchent, puisque dans une société secrète, quand même, la règle numéro un, l'union fait la force. Il faut une solidarité entre les membres. Or, l'opposition à Louis XVIII, elle est quand même très éclatée. Alors, il y a les bonapartistes. Ils sont effectivement nombreux dans l'armée. Alors, Napoléon est encore vivant, mais il meurt au moment donc où la charbonnerie se constitue. Il y a des constitutionnels, des partisans donc d'un ordre plus libéral, pas forcément hostile à une figure monarchique, mais qui estime que les libertés publiques ne sont pas suffisamment assurées en France. Et souvent, ceux-là n'ont que peu d'affinité avec les bonapartistes. Même si, lorsque Napoléon revient en 1815, au moment des 100 jours, il fait des concessions au libéralisme, ce qui rend l'entente possible, finalement. Et puis, il y a le mouvement républicain. Alors, les républicains sont peu nombreux, ils sont peu aussi à s'avouer républicains parce que dans les consciences populaires, l'image de la terreur répugne à beaucoup. Mais ils sont là également et ils s'associent aussi au mouvement. Mais ça fait une opposition quand même très éclatée, avec des projets finalement assez différents en cas de victoire. Mais là, ce qui les soude, c'est l'opposition à Louis XVIII, l'opposition finalement à cet ordre politique qu'il juge rétrograde. Et la charbonnerie, eh ben, c'est le moyen parfait pour fédérer des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur tout, mais qui seraient prêts à s'engager dans une aventure politique. Un peu de souplesse, c'est toujours mieux hein, pour s'organiser. Alors bon, ça c'est le cas français, mais au même moment, que se passe-t-il en Italie? Qu'est-ce qui soude les carbonari? France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le 19e siècle, siècle du secret. Jean-Yves Frétinier, cette histoire des carbonari est une histoire international, qui doit aussi s'écrire de manière nationale, parce que les contextes sont très différents. Pour les Italiens, il y a un élément qui soude ces mouvements contestataires, c'est une domination étrangère, une domination autrichienne. Oui, alors, exactement. On peut dire que la charbonnerie occupe une place importante dans ce qu'on peut appeler le Risorgimento, c'est-à-dire cette renaissance de l'Italie, au moins dans les trois premières décennies du 19e siècle. Avec trois épisodes où la charbonnerie s'illustre directement. Celui qui a été rappelé par Jean-Noël Tardy en juillet 1820 à Naples. Alors, c'est d'abord une garnison, c'est d'abord des militaires. Ils ne sont pas forcément tous charbonniers, mais la charbonnerie se rallie et même hisse son drapeau. C'est pas le tricolore, parce que la dernière couleur est le noir. Donc, elle est même physiquement présente. De nouveau, en mars 1921, mais cette fois-ci à l'autre bout de la péninsule, à Turin. Et puis, une dernière fois de manière manifeste, en février 1831, donc 10 ans plus tard, en Romagne. Donc là, elle est présente dans trois des premières grandes révolutions, après la suivante, patriotique. Italienne, et la suivante étant 1848, où là, elle est beaucoup moins présente. Alors, ça, c'est déjà une première ensemble de remarques. Le deuxième ensemble de remarques, qui sont ces charbonniers? Évidemment, c'est difficile de donner le nombre, mais ils sont, sociologiquement, ils appartiennent, je dirais, à la bourgeoisie, à l'aristocratie. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la présence française, avec le Napoléon, fils peut-être illégitime, mais fils de la Révolution française, c'est l'abolition de la féodalité. L'introduction du Code civil, même s'il sera brûlé après, il n'en demeure pas moins que le mouvement constitutionnaliste est lancé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle élite sociale qui possède la terre, mais qui n'est pas encore une élite politique. Et la charbonnerie est pour. C'est nouveaux possesseurs de la terre, pour ceux qui ont gagné une place sociale, aussi de gagner une place politique. quitte à coexister avec l'ancienne aristocratie. Donc je crois qu'il y a aussi cette dimension-là, il ne faut pas oublier la dimension structurelle des choses. Il y a une deuxième chose sur laquelle qui a été rappelée, mais pas développée par Jean-Noël Tardy, parce que ce n'était pas son objet, c'est l'importance de la constitution de Cadix. 1812, il y a une constitution assez progressiste, qui en particulier laisse une place importante à l'Église. Et évidemment, ça séduit beaucoup les patriotes italiens. Parce que les patriotes italiens ont compris, avec l'échec terrible de la révolution de Naples, qui les a beaucoup marqués en 1799, où il y a eu tout ce qu'on appelle ce mouvement du sanfélisme, c'est-à-dire un rejet de la révolution conduit par les prêtres, c'est un vrai drame pour les consciences italiennes, qu'on ne peut pas se couper de la religion. Et d'ailleurs, il y aura des charbonniers, des prêtres charbonniers, jusqu'à temps que Pie VII, c'est toujours Pie IX quand on pense au Risorgimento, mais il y en a d'autres. Pie VII, en 1821, condamne la charbonnerie. Donc, dans cette constitution, peuvent se retrouver beaucoup de monde. Et puis, enfin, je crois qu'il y a la dimension, vous l'avez rappelé, Xavier Mauduit, vous l'avez rappelé, c'est le combat patriotique qui fédère. Parce qu'autrement, les programmes sont très différents sur la structure institutionnelle, sur la dimension sociale. Alors, globalement, la tendance de la charbonnerie italienne est quand même d'être plutôt à gauche. Ce que les Italiens appellent d'un terme, c'est la langue italienne est souple, démocratisme, d'aller dans le sens d'idéaux démocratiques. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un patchwork de programmes. Mais s'il y a un dénominateur commun, le plus petit dénominateur commun, c'est le combat patriotique, donc anti-autrichien. Patchwork de programme, je reprends vos mots, Jean-Yves Frétinier, mais pour un pays lui-même fractionné, hein, l'Italie est divisée avec Naples au sud, les États du Pape, il y a plein de sous-divisions, le nord dominé par les Autrichiens, et puis cet élément pour la charbonnerie qui est commun, vous avez évoqué ces couleurs de la charbonnerie, c'est bleu, rouge, noir, peut-on avoir ici un élément transnational? Est-ce que Jean-Noël Tardy, c'est codes, ces rites, ces signes sont communs à l'ensemble des charbonniers. Alors, nous parlons beaucoup de la France et de l'Italie, mais ils sont un peu partout en Europe. Alors oui, pour une part d'entre eux, mais la charbonnerie n'est pas non plus une internationale. On n'est pas encore dans les grands mouvements de la gauche internationaliste. C'est quelque chose de beaucoup plus éclaté et avec des adaptations très fortes d'un pays à l'autre. Par exemple, il est évident que la charbonnerie italienne est très sensible, effectivement, comme cela a été dit, à la question religieuse et à la figure du Christ. Lorsque les statues reviennent en France, à Paris, lorsqu'il est question donc de créer à nouveau une charbonnerie en opposition à Louis XVIII et en opposition notamment à l'alliance du trône et de l'autel, alors là, la figure christique, elle est plutôt embarrassante. Même si il y a parmi les libéraux français certains qui voudraient assimiler le libéralisme et le christianisme, ça reste un mouvement minoritaire dans les années 1820. Il y a plutôt une forme d'anticléricalisme dans ces milieux d'opposition. Donc, on évacue cette figure christique. Elle est très très peu présente dans les statuts de la charbonnerie française. Qu'est-ce qu'on reprend? Le modèle d'organisation, le cloisonnement. Ça, c'est vraiment la grande innovation de la charbonnerie en termes organisationnels. Les couleurs, on les prend, mais on a quand même une préférence pour le vrai tricolore, pour le bleu, blanc, rouge. Mais dans le cercle des initiés, on sait que les trois couleurs de la charbonnerie, c'est le bleu, le rouge, le noir. Qu'est-ce qu'on reprend? On reprend des slogans, des grands mots. Les trois vertus théologales, par exemple, servent souvent de mot de passe. Donc, charité, vertu et la troisième m'échappe, évidemment. Nous allons la retrouver. Bref, on retrouve quelques signes de reconnaissance communs, mais finalement très peu. Si bien que lorsqu'on a des réfugiés italiens qui passent la frontière, qui se retrouvent en France, ils savent qu'il y a des carbonari français. Ils tentent, notamment à Marseille ou ailleurs, de se faire reconnaître suivant les signes de reconnaissance de la charbonnerie italienne. Et là, le flop est complet. Ouais. Ça ne marche pas. Et ces trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, voilà, sont un élément commun adapté plus ou moins selon les attentes des uns et des autres. Vous venez d'évoquer ces Italiens qui passent la frontière. Il y a énormément d'échanges culturels et parfois ces carbonari se retrouvent tout simplement sur un toit. Ma chère mère, vous qui me dites toujours de vivre dans l'imprudence, Eh bien, cette fois, vous serez contente de moi. Me voici à nouveau jeté sur les routes. J'ai dû quitter Aix, ne m'y écrivez plus. Des espions autrichiens sont en France. Ils ont retrouvé nos traces. Tous les patriotes italiens qui vivent ici sont en danger. Et j'essaie de les prévenir là où ils se cachent. Je vais à une ville qui s'appelle Manosque. Là-bas, vivent beaucoup de nos amis en exil. Ce sont eux les plus menacés. Je trouverai, j'espère, un de nos messagers pour vous porter cette lettre. Êtes-vous resté à Turin ? L'Italie me paraît si loin. Et tant d'obstacles me séparent de vous. Un extrait du film Le Hussard sur le Toit, le film de Jean-Paul Rapneau en 1995, d'après évidemment le roman de Jean Giono. C'est cette histoire-là qui est racontée dans Le Hussard sur le Toit. Nous sommes au début des années 1830. Hein. Pour la France, ce n'est plus la Restauration, c'est la Monarchie de Juillet. Mais il y a toujours ces transferts. Oui, il y a toujours ces transferts. Il y a effectivement deux villes principales où on va retrouver nos charbonniers. C'est Paris et Marseille. Il faut comprendre qu'il y a tout un problème aussi, l'immigration italienne qui arrive, c'est une immigration essentiellement politique. C'est à partir du Second Empire que commence une immigration aussi plus comment dirais-je, liée un peu au mouvement du travail, pour faire simple. On a d'ailleurs les premiers recensements datent simplement de 1851, donc c'est assez dur de chiffrer. Et au fond, les autorités françaises sont assez embêtées et elles veulent mettre ces charbonniers ou ces patriotes italiens dans des petites villes. Parce que elles sont évidemment dans une petite ville, on est sous le contrôle des autorités locales, du sous-préfet, du maire. Mais il y a quand même d'autres qui ont suffisamment de moyens pour ne pas avoir besoin ou de s'engager dans la Légion étrangère ou d'accepter d'aller dans une petite ville. Et c'est essentiellement Paris et Marseille. Or, et là, il va se passer une chose importante dans l'histoire, alors là, de la charbonnerie, mais plus du Risorgimento, c'est que à Paris, les charbonniers ont un homme fort. Encore jusqu'en 1830, il va mourir peu de temps après, c'est Buonarroti, un lointain descendant de Michel-Ange, et qui, lui, a une grande culture politique française, proche de Robespierre, puis ensuite proche de Babeuf, dont il a il a relancé les idées, qui tient assez solidement la charbonnerie, qui l'a rénovée. Vous l'avez commencé, je crois, par une citation de lui, qui est assez ironique d'ailleurs, dans lequel il dit, en gros, les hommes ont besoin de... C'est pas de hocher, mais de signe, ça leur fait plaisir d'appartenir à quelque chose de secret. Mais il est quand même, il tient fermement. Puis à Marseille, c'est beaucoup plus éclaté. Et là arrive un jeune homme extrêmement fort, pour qui moi j'ai eu beaucoup d'intérêt, c'est évidemment Giuseppe Mazzini. Or Mazzini est charbonnier, faut pas l'oublier, il a été charbonnier, il est sans doute même grand maître de la charbonnerie de Gênes, il y a des débats, mais il a en 1830, 31 surtout, même ses premières expériences politiques sont de voir ces charbonniers vaincus des révolutions 1820-1821 que nous avons rappelé tous les deux, qui ont été très vite écrasés par les Autrichiens. Premier souvenir douloureux, mais il comprend, il va être celui qui va détacher en grande partie le mouvement patriotique de la charbonnerie. En lui critiquant un aspect qu'on n'a pas encore trop souligné, et j'aimerais avoir d'ailleurs l'avis de Jean-Noël Tardy qui connaît parfaitement la charbonnerie, c'est qu'au fond, Mazzini lui fait toute une série de critiques que je développerai peut-être après, si on a le temps. Mais il y en a une au niveau des idées qui me semble intéressante. C'est que, en gros, il y a trois maillons, l'individu, la nation et le cosmopolitisme. Or, ce qu'il reproche dans plusieurs textes à la charbonnerie, c'est bon de s'intéresser aux droits de l'individu. Ça, c'est l'héritage de 89. C'est un héritage sacré. Il n'est pas du tout contre cet héritage, mais pour lui, voilà, c'est déjà quelque chose qui avait été lancé au fond par le Christ et que la Révolution grave dans les tables de la loi en faisant l'égalité entre les hommes. Puis il y a l'horizon cosmopolitique qu'il ne s'agit pas de perdre, mais la charbonnerie, décidément, n'a pas fait assez attention à l'échelon intermédiaire qui est celui de la nation. Et Mazzini crée la Jeune Italie et en 1834, après la faillite de la deuxième expédition de Savoie, la Jeune Europe. C'est-à-dire, on passe des droits de l'individu et d'une vision cosmopolitisme au devoir de l'individu et aux droits, je dirais, de la nation. Ça, c'est un vrai changement. Pour employer peut-être un mot ronflant, mais je crois là qu'il s'applique bien, de paradigme. Et puis avec un moment très particulier, ce cœur du 19e siècle, le milieu du 19e siècle, avec ce mouvement des peuples en 1848, le printemps des peuples, le romantisme. Jean-Noël Tardy, vous êtes l'auteur de L'âge des ombres, complot, conspiration et société secrète au 19e siècle. C'est publié aux Belles Lettres, en écho à ce que vient d'évoquer Jean-Yves Frétinier. C'est vrai que la réflexion sur qu'est-ce qu'une nation, c'est tellement 19e siècle, ça nous permet aussi de réfléchir à ces sociétés secrètes. Oui. Le moment d'opposition entre Buonarroti et Mazzini est un moment important dans l'histoire des sociétés secrètes. Alors, pour la France, je vais dire deux ou trois mots. La charbonnerie française, la première, la libérale, celle qu'on a évoquée, celle des années 1820, elle échoue avec les Casserans de La Rochelle, comme vous l'avez évoqué. Donc les conspirations échouent. Cette société, elle tombe en désuétude, elle disparaît autour de 1823 en fait. Parmi ses animateurs, il y avait des libéraux comme Lafayette, par exemple. Et Buonarroti était déjà présent. Alors, il était présent à ce moment-là en Suisse, à Genève. Mais il rayonnait un peu sur la France et un peu sur l'Italie. Mais il avait un rôle finalement assez marginal, cette première organisation. Lorsque cette charbonnerie échoue, après la révolution de 1830, Buonarroti a l'idée de la ressusciter. Alors sous une forme différente, à nouveau, sous une forme peut-être encore plus cloisonné encore que la première. Et il reprend les grandes idées qui avaient pu être celles de Robespierre et de Babeuf, surtout. Dans son organisation, le chef est secret. La charbonnerie doit pouvoir s'étendre sur plusieurs pays. Et son organisation s'appelle Charbonnerie démocratique universelle. C'est le terme qu'il utilise. Lorsque Mazzini, à Marseille, se retrouve au contact de l'organisation de Buonarroti, il est agacé pour ne pas dire plus. D'abord, Mazzini, effectivement, vient du nationalisme italien. Il a l'idée que la nation italienne doit jouer un rôle quasi divin en Europe. Et pour Buonarroti, ce n'est pas forcément le cas. Buonarroti met au sommet de son échelle de valeur l'universalisme, l'individu et même dans une mesure, lorsque le développement historique le permettra, le communisme. Mazzini est gêné. Il est gêné par cette structure en plus dont il devine le chef mais dont le chef ne se montre pas. Il est gêné aussi parce qu'il y ressent aussi une forme d'impérialisme français. C'est-à-dire que cette organisation, cette charbonnerie démocratique universelle, elle se dit universelle, mais finalement, son siège est à Paris. Son modèle, c'est la Grande Révolution et c'est le moment jacobin. Donc Mazzini est très agacé par cela. Et commence donc une lutte entre les organisations mazziniennes et l'ancienne organisation, même si elle est relativement dynamique, plus qu'on l'a cru, hein, cette charbonnerie démocratique universelle. Mazzini va prendre ses distances aussi avec le modèle de la société secrète. Buonarroti, il est connu de ses affiliés les plus proches. Il est aussi connu comme un patriarche, comme un héritier de la Grande Révolution, mais il ne se présente pas comme un chef de mouvement politique. Mazzini, lui, se présente clairement comme un chef, comme un leader politique. Donc, à l'invisibilité du chef de Buonarroti, il y a une extrême visibilité, en revanche, de Mazzini. Mazzini met en avant l'esprit national, Buonarroti le nie au nom de l'universalité, mais même si on parle français, même si ça s'organise de manière centralisée à Paris. Buonarroti finalement garde le contrôle de la charbonnerie française, mais finalement Mazzini s'impose progressivement sur le mouvement italien, très, très clairement, et puis sur les autres réfugiés présents en France et en Europe, notamment les Allemands et les Polonais. Et Buonarroti décède en 1837. La charbonnerie ne disparaît pas pour autant en France, mais c'est une organisation qui devient plus populaire, socialiste, qui échappe en partie au contrôle des chefs qui ne sont plus là, alors que Mazzini, lui, surfe sur le nationalisme et finalement l'emporte au moins dans la visibilité politique. Oui, parce que c'est ça, c'est vraiment une histoire européenne, nous l'entendons bien. Vous venez d'évoquer les Polonais, notamment, qui sont au cœur des préoccupations. Dans cette histoire, il y a, et nous l'avons dit, une lecture nationale, l'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la République et de nouveau l'Empire pour la France. Pour l'Italie, c'est un long combat, mais parfois, les deux histoires, évidemment, se croisent. Depuis 40 ans, un mouvement nationaliste romantique et révolutionnaire, les Carbonari, réclament une patrie italienne. Italia farà da sé, proclament-ils. L'Italie se fera toute seule. En 1848, dans la vague des révolutions qui secouent l'Europe, des insurrections ont éclaté un peu partout, à Rome, à Milan, à Venise, pour chasser les Autrichiens. Mais les Italiens ont été cruellement battus. Non, l'Italie ne se fera pas toute seule. Depuis son plus jeune âge, Napoléon III a toujours eu un faible pour l'Italie. À 23 ans, il s'est fait carbonaro et il a participé au soulèvement de Romagne, où son frère aîné, Napoléon Louis, a trouvé la mort. 25 ans ont passé. Napoléon, devenu empereur, a d'autres soucis. Alors en janvier 1858, le comte Orsini dépose une bombe devant l'opéra pour punir Napoléon, le traître qui a oublié son serment de carbonaro. Le Solferino racontait dans l'émission Les Grandes Batailles du Passé en 1976, la bataille de Solferino, c'est 1859, sous le Second Empire, avec cette question, est-ce que Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III, était carbonaro? Il l'était, ou peut-être, ou pas, en tout cas il était proche, et dans l'extrait nous avons bien entendu que son frère, en tout cas Napoléon Louis, l'était sans doute, qu'il est mort lors du soulèvement, ou il est mort de la rougeole, ce qui... Ou empoisonné, il y a toujours un débat. Il y a toujours un débat, mais Jean-Yves Frétinier, ce moment Second Empire pour l'unité italienne, c'est essentiel bien sûr quand la France intervient pour soutenir cette unité. Oui, mais là on n'est plus trop dans la charbonnerie, enfin voilà. Pour moi, pour la charbonnerie italienne, ce qui marque un peu sa fin, c'est justement la victoire du mazzinianisme. Alors, ça ne veut pas dire que tous les charbonniers disparaissent, mais ceux dont on parlait, les révoltes de Venise, on est en 48, 49, la République romaine, la République de Venise, c'est important, mais les charbonniers ne sont pas à la manœuvre. Qu'il y ait encore d'anciens charbonniers. Les charbonniers, c'est une génération qui s'éteint. Qui ne fait plus peur à cette époque. Il y a d'autres mouvements, les néo-guelfes qui veulent une Italie autour de la figure du pape, Pie IX qui promet à un moment les espoirs, ils seront vite déçus. Il y a toujours les mazziniens qui restent la matrice. Très classiquement, à une époque, on datait le début du Risorgimento de la naissance de la jeune Italie, donc 1831. Donc la charbonnerie, là, elle est en crise. Elle est, d'une certaine manière, elle a été dépassée. Alors que Napoléon ait une fibre pro-italienne par sa culture, par il parlait très très bien l'italien, comme il parlait d'autres langues d'ailleurs, c'est indéniable. Mais je ne sais pas si le ressort qui le pousse à intervenir pour l'Italie, qui sont des ressorts aussi psychologiques, l'extrait avait raison de rappeler cet attentat d'Orsini, qui d'une certaine manière, sans mauvais jeu de mots, le réveille, hein, sonne à ses oreilles. Mais c'est, à mon avis, c'est plus du tout en charbonnier qu'il résonne, c'est en empereur français voulant les accords de Plombières, voulant finalement une alliance latine en satellisant un peu quand même un État. Donc on n'est plus, je crois, dans la logique de la charbonnerie. La charbonnerie, pour, si on voulait prendre une date pratique, 1848, elle est vaincue. Alors peut-être c'est un peu différent en France, mais on en discutait un petit peu avant avec Jean-Noël Tardy, on était assez d'accord avec cette date. Donc, d'une certaine manière, la charbonnerie a joué un rôle important pour ce qui est de l'Italie, je dirais dans une première phase du Risorgimento. Et si, sans vouloir monopoliser la parole, je voulais juste rappeler une petite chose par rapport au rapport de Mazzini et la France. C'est vrai que Mazzini ne veut pas d'un peuple ce qu'il appelle un peuple roi. C'est-à-dire d'un peuple qui donnerait le « là » aux autres. Alors évidemment, ce peuple roi, hein, on connaît le jeu de mots, quand Paris s'enrhume, c'est toute l'Europe qui éternue. Bon, donc évidemment, c'est la France depuis 1789, et qui, à nouveau, redevient importante avec 1830, où c'est une très grosse révolution un peu oubliée par rapport à celle de 1848. Mais cette distance par rapport à la France, elle est réelle, mais il l'observe aussi, justement, dans la faillite de 1831. Lorsque les Romagnes se rebellent, les Romagnes, alors justement, peut-être avec le jeune Carbonaro, mais il a été très prudent, hein, le jeune prince, le futur Louis-Napoléon Bonaparte, elles se révoltent, les troupes françaises ne font rien. Et Mazzini écrit son premier grand texte, Une nuit à Rimini, dans lequel, sous un style très, et c'est en italien, c'est plus en français, c'est un style très romantique qui parle aussi à une génération. Il y a un vrai problème, je crois, de génération. Il dit que font ces Français ? Ils font rien. Ils regardent les Autrichiens massacrer les patriotes. Donc on doit se détacher de la France. Mais Ce n'est pas un détachement complet, mais il se rapproche par exemple de la Société des droits de l'homme, c'est-à-dire de la famille républicaine qui deviendra importante en 48, les Cavaignac par exemple, c'est-à-dire de ceux qui justement ont en partie dépassé la logique sectaire. Je crois que donc c'est important de voir cette double dimension, ce double rapport de Mazzini avec la France. Et ce moment 1848 est essentiel. Alors, vous nous dites que pour les charbonniers italiens, bon, ça peut être une date de fin. Jean-Noël Tardy, pour la charbonnerie française aussi, surtout 1848, c'est la République en France, c'est l'élection de notre premier président de la République au suffrage universel masculin, Louis-Napoléon Bonaparte, celui dont on parlait, le futur Napoléon III. Jean-Noël Tardy, dans votre étude sur ces complots, conspirations et sociétés secrètes, ce moment 1848, celui de la Deuxième République, c'est aussi un moment, si la charbonnerie n'existe plus, où demeure la peur de la société secrète. Ah, complètement. Alors, 1848, c'est le suffrage universel. Et pour les sociétés secrètes, c'est une crise existentielle. Parce qu'une partie de leurs revendications, au sein de celles qui se prétendaient républicaines, c'était de donner la parole au peuple ou d'incarner le peuple. La société secrète, c'est ça, c'est l'avant-garde donc de la volonté populaire. Si la volonté populaire peut s'exprimer par les urnes, quelle légitimité pour les sociétés secrètes ? Alors c'est une vraie question. Et à ce moment-là, alors que devient la charbonnerie, pour répondre à votre question plus précisément ? Alors elle survit. Et d'ailleurs, elle retrouve un second souffle paradoxalement lorsque la République devient conservatrice, après le résultat des élections. Dans un espèce de statut un peu mixte, en quelque sorte presque l'ancêtre d'une forme d'organisation politique organisée, qui accompagnerait aussi la vie démocratique. Mais le coup d'État intervient, et là, les derniers réseaux sont balayés. Alors, la charbonnerie, comme vous l'avez dit sous le Second Empire, c'est aussi un terme polémique. Lorsqu'on dit Napoléon III intervient en Italie pour honorer je ne sais quel serment d'anciens carbonaro italiens. En fait, c'est de la polémique. L'idée, en fait, elle se répand dans les milieux conservateurs catholiques français, justement après l'intervention française en Italie. Parce que pour ces milieux catholiques qui avaient soutenu Napoléon III, voir Napoléon III soutenir du coup l'unité italienne et donc réduire les prérogatives du pape, eh bien c'est insupportable. Et pour trouver une explication à cette énigme historique que représente l'engagement de Napoléon III en Italie, revient les sociétés secrètes, le complot et Napoléon III Carbonaro. Oui, c'est ça, c'est cette construction toujours avec du complot, mais ça fonctionne bien comme argument politique. Alors en Italie, on ne va pas du tout mettre ça en avant, bien sûr, parce que c'est Cavour, c'est un chef d'État. C'est justement un Risorgimento qui se veut dynastique et qui fait une alliance avec le souverain le plus puissant, un des plus puissants d'Europe, qui est en train de bouleverser l'ordre hérité de Vienne. Et on ne va surtout pas mettre en avant la figure du Carbonaro. Et même Mazzini, qui portait absolument pas dans son cœur Napoléon III, puisque comme président de la République, il avait mis fin à la République romaine, ne met même pas en avant cette dimension, mais dit le roi se comporte comme un préfet de Napoléon III. Donc on voit bien que même le discours charbonnier est passé. Il n'est même pas utilisé, parce qu'après tout, Mazzini aurait pu dire « Alors bon, vous faites l'Italie avec un ex-charbonnier ». Non, c'est même plus ça. C'est le roi qui est devenu un simple préfet de l'empereur des Français. Voilà, je pense que tous les auditeurs et les auditrices, puisque les beaux jours sont là au moment de faire un barbecue au charbon de bois, repenseront à cette histoire des charbonniers qui a commencé dans une forêt de Franche-Comté et qui a offert ce panorama, ce panorama que vous nous avez offert. Merci vraiment à tous les deux. Jean-Noël Tardy, je rappelle, vous êtes l'auteur de L'Âge des Ombres, complot, conspiration et société secrète au XIXe siècle, publié aux Belles Lettres. Et merci aussi beaucoup à vous, Jean-Yves Frétinier, l'histoire de la Sicile des origines à nos jours chez Fayard et votre biographie de Giuseppe Mazzini, père de l'unité italienne. Merci à tous les deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi peut-on dire que la France est un vieux pays d'immigration ? Si l'on se place sur la très longue durée, on peut dire que tous les États du monde sont de vieux pays d'immigration, puisque l'Afrique est le berceau de notre ancêtre commun, l'Homo sapiens. Cet argument présente néanmoins l'inconvénient d'entretenir la confusion entre les mots « migration » et « immigration ». Dans son sens le plus général, le terme « migrant » désigne les individus qui quittent leur lieu de naissance pour aller vivre à un autre endroit. Mais quand on parle des « émigrants » et des « immigrants », ce n'est pas seulement le déplacement des personnes dans l'espace que l'on évoque, mais aussi le fait qu'ils ont traversé une frontière. Voilà pourquoi le mot « immigration » ne s'est imposé dans la langue française qu'à la fin du XIXe siècle, lorsque la France est devenue un État national, contrôlant de plus en plus étroitement ses frontières. Ceux qui contestent l'idée que la France est un vieux pays d'immigration se réfèrent presque toujours à l'histoire de ce qu'ils appellent les pays neufs, comme les États-Unis, l'Argentine ou l'Australie, pays qui étaient très peu peuplés jusqu'à l'arrivée des colons européens. Ce cas de figure, qui obéit à ce qu'on appelle les migrations de peuplement, diffère effectivement du cas français. Au XVIIIe siècle, la France était le pays le plus peuplé d'Europe. Les grandes vagues migratoires qui avaient permis la formation de la population initiale, celles des Celtes, des Romains, des Germains, des Vikings, etc., s'étaient fortement affaiblies au cours du Moyen Âge. Cela n'empêche pas que des mouvements migratoires, moins massifs et plus pacifiques, se soient poursuivis au cours des siècles suivants, mais nous n'avons pas les instruments statistiques qui permettraient de les mesurer précisément. L'ancienneté des structures villageoises, matérialisée par la présence d'une église dans chaque village, a favorisé l'enracinement des communautés rurales. Enracinement qui a été consolidé par la Révolution française, car les petits paysans ont pu acquérir une partie des terres confisquées au clergé et à la noblesse. Pour éviter de partager leurs lopins entre leurs enfants, les paysans ont eu tendance à restreindre leur naissance, ce qui a fortement contribué à la précocité des comportements malthusiens dans le peuple français. Voilà pourquoi, quand la révolution industrielle a débuté en France, l'exode rural n'a jamais pu atteindre les niveaux exceptionnels qui ont été constatés dans les pays voisins. Dès le Second Empire, les grandes entreprises françaises ont été contraintes de recourir massivement à l'immigration étrangère pour pouvoir se développer. À tel point qu'en 1930, la France avait l'un des taux d'immigration le plus fort du monde, supérieur même à celui des États-Unis. Si l'on peut dire que la France est un vieux pays d'immigration, c'est donc parce qu'elle a eu besoin, beaucoup plus tôt que ses voisins européens, de recourir à la main-d'œuvre étrangère pour assurer son développement économique. Mais cette spécificité a disparu aujourd'hui, puisque notre pays accueille deux fois moins d'immigrants que l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, et trois fois moins que la Suède ou l'Autriche. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Une émission préparée par Anne Toscane-Judès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Shirley Adélaïde et Margot Vielle. Une émission dont la programmation est assurée par Mayouen Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes, allez jeter un œil dans nos archives parce qu'elles sont à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et évidemment sur l'application Radio France.